Je vous ai présenté trois acteurs de la politique environnementale, trois gros, les pouvoirs publics, les entreprises et les ONG. Mais il y en a d'autres. Alors continuons avec les chercheurs. Les chercheurs, je les ai vus à travers les siècles, du mathématicien essayant de poser les bases du calcul différentiel jusqu'au climatologue moderne qui défend ses données face à un plateau télé surchauffé. Leur rôle, dans les politiques environnementales comme ailleurs, est limpide. Produire une connaissance indépendante, c'est important, méthodique, vérifiable, offrir des scénarios, mesurer les risques, éclairer les décisions. Et pourtant, l'humanité a développé une tradition charmante, presque institutionnalisée, consistant à critiquer, ridiculiser ou ignorer les chercheurs, puis à se mordre les doigts 50 ans plus tard. J'ai vu cette histoire tellement de fois que je pourrais en faire une comédie musicale, les savants qu'on aurait dû écouter, avec un final en pleurs et un ministre qui dit « Ah, si seulement !» Vous irez chercher du côté de l'amiante. Moi, je vais vous donner un autre exemple. Alors permettez-moi un détour par le 19e siècle. Mettons de côté l'environnement, mais vous verrez, le parallèle sera facile à faire. Je me trouvais à Vienne. Charmante ville, de bonnes pâtisseries, mais des hôpitaux, disons, perfectibles. Un médecin, Ignaz Semmelweis, découvre vers 1845-47 que le simple fait de se laver les mains avant d'accoucher des patients divise par 10 la mortalité par fièvre puerpérale. Ces données sont irréprochables, ces observations claires. Et qu'a-t-on répondu ? Des moqueries, du mépris. Un rejet complet de la méthode scientifique. Les médecins de l'époque trouvaient l'idée insultante. Se laver les mains ? Quelle absurdité pour des hommes de science. Résultat, des dizaines de milliers de décès évitables ont continué pendant des années. Aujourd'hui, l'OMS cite Semmelweis comme l'un des pères de l'hygiène médicale. Et quand je repense à cette histoire, j'entends encore Semmelweis me dire épuisé « Il préfère l'honneur à la vérité ». Et il avait raison. Et la question ? C'est est-ce que ça ne se répète pas actuellement ? Aujourd'hui, vous croyez que la leçon a été apprise ? Que nenni ! Le vieux schéma recommence. Alors, ce n'est peut-être pas l'honneur qu'il préfère, c'est peut-être les voix ou l'argent. Chaque fois qu'un chercheur présente un résultat complexe, mesuré, sourcé, on lui oppose « On ne peut plus rien dire, c'est exagéré, vous êtes alarmiste, ce n'est qu'un modèle. » Et pourtant, nombre de ces alertes se révèlent correctes, parfois tragiquement correct. Il y a des exemples contemporains vérifiables. Les climatologues du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, alertent depuis 1988 sur le réchauffement climatique, avec des modèles très proches des observations actuelles. Les biologistes préviennent de l'effondrement de la biodiversité depuis les années 1970. Les épidémiologistes avaient prédit un risque élevé de pandémie mondiale avant 2020. Mais souvent, la politique préfère l'opinion à la science, le court terme au long terme, la communication au raisonnement. Pourquoi cette méfiance envers les chercheurs ? Parce que les chercheurs ne parlent pas en slogan, parce que les chercheurs doutent, et le doute est un outil scientifique, mais un handicap médiatique, parce que les chercheurs contrarient les intérêts économiques ou politiques, et parce que les chercheurs avancent des résultats parfois dérangeants. Et puis, il y a les campagnes de dénigrement bien réelles. Des climatologues accusés d'exagérer dans les médias financés par des think tanks liés aux énergies fossiles, souvent. Des chercheurs en santé publique attaqués par l'industrie du tabac des années 1950 aux années 1990. Des biologistes menacés pour leurs travaux sur la biodiversité. La stratégie est vieille comme le monde. Quand la vérité dérange, on attaque le messager. Et pourtant, ce sont eux, les chercheurs, qui éclairent la politique climatique. Malgré les critiques, les campagnes de doute et le manque de moyens, les chercheurs restent les seuls à produire une connaissance structurée et argumentée qui permet de projeter les impacts du changement climatique, d'analyser les politiques publiques, d'évaluer les technologies et surtout de dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Du XVIIe siècle à nos jours, j'ai observé cette constante. Les sociétés progressent quand elles écoutent leurs chercheurs et stagnent quand elles les ignorent. Semmelweis au honneur est pleuré. Ceci dit, il finit interné en asile et mourut battu par ses gardiens. Je le dis pour la petite histoire. Rassurons-nous, tous les chercheurs ne finissent pas ainsi. Et continuons avec un nouvel acteur, les lobbies. Dans la grande compétition politique environnementale, il y a les lobbies, les groupes de pression. Leur objectif est simple, un peu comme les ONG, influencer la décision publique pour servir leurs membres. Mais ils agissent dans l'ombre, parfois masqués. Ils recherchent moins la médiatisation que l'efficacité stratégique. C'est vérifiable dans les registres de transparence du Parlement européen et de l'Assemblée nationale. Ah, les lobbies. Je les ai vus partout, depuis les corporations médiévales qui soudoyaient les rois en barriques de vin, jusqu'aux groupes industriels modernes qui préfèrent les rapports de 80 pages imprimés sur papier glacé. Ce sont des organisations regroupant des entreprises, des syndicats, des ONG, des associations professionnelles et dont le but est d'influencer la décision publique dans l'intérêt de ceux qu'ils représentent. Alors, il existe évidemment des lobbies pro-environnement qui militent pour plus de régulation, plus de normes, plus de sobriété. Mais soyons honnêtes, face à eux, les lobbies anti-environnement ont souvent le portefeuille le plus épais et les carnets d'adresses les plus fournis. Et parfois, leurs actions tiennent du prodigieux, dans le sens où l'on reste bouche bée devant l'ampleur de l'influence. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui ferait frémir un thermomètre à mercure. À la fin des années 1980, alors que la communauté scientifique alertait déjà sur le réchauffement climatique, une coalition d'entreprises pétrolières, automobiles, charbonnières et industrielles créa un groupe, la Global Climate Coalition. Leur objectif ? Convaincre les États que le changement climatique était incertain, exagéré, voire pas réellement lié aux activités humaines. Et vous savez ce qu'il y a de remarquable et de parfaitement vérifiable ? Leurs propres scientifiques internes confirmaient les conclusions du GIEC. Mais la coalition a décidé de financer des campagnes publiques affirmant exactement l'inverse. Et ce n'est pas une rumeur. En 2015, le New York Times et des chercheurs ont publié des mémos internes de la coalition montrant que les membres savaient parfaitement que le changement climatique était réel et causé par les émissions humaines et scientifiquement établi. Malgré cela, la coalition a financé des campagnes médiatiques pour semer le doute, envoyé des lobbyistes dans les institutions américaines, influencé directement la position des États-Unis lors des négociations internationales, en particulier lorsque les États-Unis ont refusé de ratifier le célèbre protocole de Kyoto en 2001. Certaines analyses en sciences politiques considèrent que ce travail de lobbying a retardé l'action climatique internationale de 10 à 15 ans. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit au représentant de l'époque, un homme très poli, très souriant et très allergique aux glaciers, « Vous êtes les seuls à pouvoir allumer un incendie, puis publier une brochure expliquant que ce n'est peut-être pas vraiment du feu. » Parallèlement, certains lobbies agissent réellement pour la protection de l'environnement. Il y a des lobbies qui sont des réseaux d'ONG, d'associations de scientifiques, de coalitions de villes ou de secteurs verts, mais leurs ressources financières sont sans commune mesure avec celles des industries fossiles ou chimiques. Les lobbies sont des acteurs majeurs des politiques environnementales. Ils peuvent servir la transition ou la ralentir de plusieurs décennies. Et dans ce domaine, l'histoire récente a montré que, souvent, l'influence peut peser plus lourd que les données scientifiques elles-mêmes. Passons maintenant aux partis politiques. Les partis politiques, je les ai vus naître, exploser, se recomposer, changer de couleur, changer de nom, puis changer d'avis juste avant les élections. Ils sont ces grandes machines idéologiques chargées de transformer l'opinion en programme et le programme en quelque chose qui ressemble vaguement à des politiques publiques. Sur le papier, leur rôle est simple, proposer des projets, orienter les choix du gouvernement, structurer le débat public. Dans la réalité, disons qu'ils naviguent entre conviction, calcul électoral et prudence disproportionnée. Mais pour comprendre leur influence sur l'action environnementale, laissons parler deux histoires vraies, une qui montre leur capacité à transformer le réel et une autre qui illustre leur art consommé de l'enterrement de dossiers. J'étais à Berlin en l'an 2000, époque où je portais un long manteau de cuir et des lunettes rondes pour passer inaperçu. Alors spoiler, ça ne marchait pas, mais j'essayais. La coalition SPD Vert adopte alors une décision historique, la sortie progressive du nucléaire allemand, inscrite dans une loi signée avec les énergéticiens. Pourquoi cet exemple est intéressant ? Pas parce qu'il parle de nucléaire, il y a débat sur le nucléaire, mais parce qu'il montre qu'un parti minoritaire mais déterminé, peut imposer une orientation écologique majeure, peser dans la négociation et transformer en profondeur la politique énergétique du pays. Alors on peut discuter du bien fondé du choix. Beaucoup le font encore. Le nucléaire est-il écologique? C'est une question intéressante. Mais pour ce qui nous intéresse ici, le fait est que les Verts ont modifié durablement une trajectoire énergétique nationale. C'est un exemple parfait de ce qu'un parti peut provoquer quand il assume son programme. Un exemple contraire maintenant. Le renoncement répété des gouvernements français sur l'écotaxe. L'écotaxe, je me souviens encore de ce dossier comme d'un soufflet écologique qui retombe avant d'avoir gonflé. En 2013, tous les partis représentés au Parlement avaient voté la création d'une écotaxe poids lourd. Tous, majorité comme opposition. L'idée était simple, faire payer les camions pour financer les infrastructures routières et réduire la pollution liée au transport routier. Les camions abîment les routes et polluent plus, ils paient. Mais lorsque les bonnets rouges, qu'on peut voir comme des précurseurs des gilets jaunes, se soulèvent en Bretagne, les mêmes partis font marche arrière, un par un, aussi vite qu'un chat qui découvre une bassine d'eau froide. En 2014, le gouvernement renonce officiellement à appliquer la mesure. Coût pour l'État. Plus de 800 millions d'euros d'indemnités à verser à la société Ecomove qui devait installer les portiques de détection des poids lourds. Coût écologique. Un report durable de la transition écologique du transport routier. Il y a donc un paradoxe des partis politiques. Les partis sont indispensables. Sans eux, pas de programme, pas de débat, pas d'alternative. Ce sont eux qui transforment les idées, y compris écologiques, en propositions publiques. Mais leurs limites sont nombreuses. Ils craignent l'impopularité. Ils redoutent la colère sociale. Ils surveillent les élections plus que les émissions de produits polluants. Ils adaptent, souvent, leur discours aux sondages plus qu'aux données scientifiques. Résultat, les mesures ambitieuses naissent souvent dans les think tanks et meurent dans les urnes. Et moi, je dis encore, le changement écologique a besoin d'audace, mais l'audace en politique n'est courageuse que tant qu'elle ne fâche personne, c'est pour cela qu'elle n'est pas fréquente. Il nous reste deux acteurs que j'aime particulièrement. D'abord, il y a les mouvements citoyens. Ils apparaissent comme des feux follets. Un jour silencieux, le lendemain, des milliers dans la rue, et je les ai vus traverser les siècles. Depuis les communautés villageoises qui bloquaient les coupes de bois royales jusqu'aux jeunes d'aujourd'hui qui enflamment TikTok pour défendre une zone humide. Ils ont trois caractéristiques. Ils surgissent vite, ils frappent fort, ils s'essoufflent parfois tout aussi vite. Leur force, la spontanéité. Leur faiblesse, la spontanéité. Pour comprendre leur impact réel, voici deux histoires vraies. Une qui montre qu'un mouvement peut réellement changer le cours d'un projet et une autre qui illustre les limites de ces mobilisations éclairs. Je me souviens encore de cette petite vallée du Tarn. Brume du matin, champs humides et un chantier de barrage qui avançait malgré les oppositions locales. Le projet de barrage de Sivens avait reçu l'aval des pouvoirs publics, mais son utilité écologique et agricole faisait débat. Des scientifiques soulignaient des impacts environnementaux importants et des citoyens considéraient le projet disproportionné. À partir de 2013, un mouvement citoyen hétéroclite se forme. Des riverains, des agriculteurs, des écologistes, de jeunes militants, des naturalistes. Ils créent une ZAD, zone à défendre, et occupent le site et alertent les médias. Le drame survient en octobre 2014, la mort de Rémi Fraisse, tué par une grenade offensive lors d'une manifestation, un choc national. Conséquence, le gouvernement annule définitivement le projet de barrage en 2015. Un rapport d'expertise confirme que le projet présentait de fortes insuffisances. Ce mouvement a réécrit la carte du débat public français sur les grands projets d'aménagement. Mais les mouvements citoyens n'ont pas toujours l'impact qu'ils espèrent. En 2008, lors du débat français sur la législation OGM, les organismes génétiquement modifiés, d'importantes mobilisations citoyennes se forment. Manifestations, pétitions, actions de fauchage symbolique. Sur le moment, l'opinion publique est largement opposée aux OGM en plein champ. Les citoyens semblent faire vaciller l'Assemblée. Mais rapidement, les actions se dispersent. Les médias se désintéressent. L'opinion passe à autre chose. Résultat, la loi française de 2008 est adoptée. Les militants perdent l'essentiel de l'influence qu'ils avaient au début du débat et la mobilisation retombe presque entièrement après le vote. Ce n'est pas un échec total. La loi reste très restrictive, mais c'est un exemple clair. Un mouvement puissant peut échouer faute d'endurance et de stratégie à long terme. les mouvements citoyens sont paradoxaux, eux aussi. Ces mouvements sont rapides, créatifs, bruyants, capables de renverser des projets que l'on croyait gravés dans le marbre, mais ils souffrent de limites récurrentes. Dépendance forte aux médias, absence de structure durable, division interne, difficulté à transformer une indignation en stratégie politique stable. Ils peuvent lancer la vague, mais rarement gouverner la marée. Et puis pour terminer, il y a nous, les habitants, les citoyens. Vous, moi, la voisine qui trie scrupuleusement mais laisse sa voiture tourner juste 5 minutes. Le vendeur de la boutique de téléphonie avec sa BMW estampillée antisociale qui jette son mégot par la fenêtre. Le cousin qui sait tout sur l'écologie entre 2 steaks quadruple fromage et l'humanité dans son ensemble. Les habitants sont le début et la fin des politiques environnementales. Le début parce que sans leur mobilisation, les politiques n'osent pas. La fin parce que sans leur participation, les politiques ne fonctionnent pas. Les habitants sont paradoxaux. Le mot s'applique souvent finalement. Ils exigent des actions ambitieuses, mais redoutent souvent les contraintes. Ils veulent changer le monde, mais n'aiment pas trop changer leurs habitudes. Et pourtant, ce sont eux qui, par millions, peuvent réduire la pollution, éviter le gaspillage, soutenir ou refuser un projet, voter pour des politiques environnementales ou, au contraire, rendre toute transition impossible. Les sociétés avancent quand les citoyens acceptent de marcher. Elles stagnent quand ils s'asseyent. Du haut de mes siècles fatigués, je le répète. Le plus petit geste multiplié par tout le monde devient une révolution. Mais le plus petit refus multiplié par tout le monde devient une impasse.